Bonjour et merci d'être fidèle à l'histoire en vidéo. Nous avons vu dans le précédent podcast l'enfance de Dagobert. Dagobert qui est né donc après un frère qui s'appelait Caribert, un frère illégitime né en réalité de fils de Clotaire II et d'une concubine du nom de Silchide. Dagobert, lui, était au contraire né donc de Clotaire II et de sa femme légitime et reine des Francs, Bertrude. Il reprochera toujours d'ailleurs à Silchide d'avoir été la concubine de son père et d'avoir intrigué d'ailleurs pour favoriser son fils Caribert. Et évidemment, il reprochera toujours aussi à son père d'être un homme faible et qui cède absolument tout à sa jeune femme Silchide. Ce qui fait que pendant son enfance et pendant son adolescence, les rapports avec son père sont très difficiles, au point que Clotaire II décide de lui attribuer le territoire, le royaume d'Austrasie, afin qu'il s'exerce à son nouveau métier de roi. Une fois la mort de Clotaire en 629, eh bien, Dagobert devra à nouveau lui-même nommer un roi pour l'Austrasie, étant donné le fort particularisme de cette région, qui fait que les grands du royaume ont tendance à vouloir avoir un roi à eux. Et il nommera à ce poste de roi son fils Sigebert, fils illégitime, né d'une concubine, Ragnétrude, et lors d'un voyage en Austrasie, lorsqu'il était encore roi d'Austrasie. Pourquoi a-t-il accepté de donner ce fils illégitime, lui qui a refusé en fait toute légitimité royale à son frère, étant donné que son frère était un enfant adultère? C'est peut-être pour manifester un certain mépris à l'égard de ce particularisme austrasien, puisqu'il faut savoir que la région riche, la région particulièrement fière de son identité, c'est l'Austrasie, et aussi la région particulièrement rebelle, c'est l'Austrasie, par rapport à la Neustrie et à la Bourgogne. Mais il y a aussi, se développe aussi cette idée que à la légitimité royale doit correspondre une légitimité filiale. L'époque où il était possible de mettre sur le trône un fils illégitime comme Clovis, Clovis l'a fait donc avec son fils aîné Thierry, né d'une concubine, le mariage à la façon franque, où à côté des épouses légitimes se trouvent des concubines qui ont des droits, est révolu. Désormais, le fils légitime devient le seul successeur légitime. Le fils adultère voit ses droits rognés. Dagobert doit avoir en mémoire d'ailleurs la fin tragique des fils de Thierry, roi de Bourgogne et d'Austrasie. En 607, en effet, Brunehaut reçoit à la cour d'Austrasie l'austère Saint-Colomban. Parce qu'il faut savoir que l'époque de Dagobert correspond surtout à l'époque de Saint-Colomban, grand réformateur, grand fondateur, un saint irlandais, poète, fondateur d'énormément de monastères à travers l'Europe, l'Angleterre, la France, l'Italie, l'Allemagne, et dont les moines étaient habillés en noir d'ailleurs, et respectaient la règle de Saint-Colomban, une règle extrêmement sévère, faite en réalité de punition. Enfin, il y avait une sorte de. Il y a les 10 vertus attendues du moine, et si les vertus ne sont pas, atteintes, eh bien, la règle de Saint-Colomban a un chapitre consacré en réalité à toutes les sanctions que doit encourir le moine. Et au fur et à mesure que Saint-Colomban traversait l'Europe et allait dans les régions de plus en plus prospères comme l'Italie du Nord, eh bien, il était horrifié de voir le relâchement des mœurs et son pénitencier, c'est-à-dire cette liste de sanctions, avait tendance à augmenter, augmenter, augmenter. Donc ce Saint-Colomban, qui était un homme assez austère, arrive à la cour de Brunehault en 607. En Bourgogne et demande s'il peut avoir des terres pour pouvoir fonder un monastère. Brunehault, très content de recevoir Saint-Colomban, au courant d'ailleurs de sa réputation de sainteté, lui présente ses enfants, ses arrière-petits-enfants, que sont, nous savons, les enfants de Thierry, c'est-à-dire Sigebert, Mérovée, Schramne et Childebert. Sigebert régnera d'ailleurs quelques mois. Mais Saint Colomban refuse de les bénir. Et sur l'insistance de la reine, il finit par donner sa raison. Il dit « Non, ces enfants ne régneront pas. C'est de la mauvaise graine. Ce sont tous des enfants du péché. » En effet, Thierry avait eu plein de concubines. Il ne s'est jamais vraiment marié. Il a fini par se marier sous la pression d'ailleurs des grands de son royaume à une de ses maîtresses, d'ailleurs peu de temps avant sa mort. Et la prédiction de Saint Colomban, sa malédiction d'ailleurs, s'est incarnée dans la fin tragique de ses enfants, puisque Sigebert a été tué par Clotaire, Schramne aussi, Mérové a échappé à la mort, mais a dû sûrement terminer dans un couvent, et Childebert a disparu, et plus personne ne connaît sa trace, n'a su où il avait disparu. Peut-être qu'il est mort, d'ailleurs. Et donc, évidemment, Brunehaut le prend très mal, et cherche tous les moyens pour l'expulser. Elle finit par l'expulser en 610 de Bourgogne, et elle l'expulse à nouveau en 613 d'Austrasie, au moment où Tibère, roi d'Austrasie, meurt, et qu'elle déménage dans la cour d'Austrasie. Et là, elle retrouve Saint Colomban qui essayait de fonder un monastère, mais qui n'y arrivait pas. Et alors, Colomban trouve refuge un moment en Eustrie, où il rencontre le roi Clotaire, avec qui le courant passe très très bien. Puis finit par repartir vers l'Italie parce qu'il sent que son nouvel ordre est en danger dans les terres austrasiennes ou proches même des terres austrasiennes. Et lorsque Brunehaut finit par se faire exécuter et supplicier en 613, le roi Clotaire II, qui avait gardé un très bon souvenir de Saint Colomban, envoie un messager en Italie du Nord, dans la vallée de Bobbio, où Colomban avait fondé son dernier monastère, et lui demande de revenir en Eustrie, à Luxeuil plus exactement, dans ce monastère qu'il avait lui-même fondé, que donc Saint Colomban avait fondé quand il est arrivé en France, afin d'en occuper le poste de père abbé. Mais Saint Colomban refuse et répond à l'envoyé du roi que son destin est de mourir en Italie. Donc, cette histoire en réalité, cette petite aparté sur Saint Colomban montre en réalité l'importance finalement que ces Mérovingiens, encore assez primitifs, commencent à donner à l'époque de Dagobert à la question de la légitimité, les enfants légitimes et les enfants illégitimes. Alors, est-ce qu'on peut y voir une influence du droit romain? Ce qui est clair, c'est qu'en effet, peu à peu, il y a une inégalité qui se crée entre les enfants légitimes nés dans le cadre du mariage et les enfants illégitimes nés hors mariage. L'Église, évidemment, n'est pas loin. Donc, maintenant, passons à la question de savoir si Dagobert fut un bon ou un mauvais roi.